couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2. Point 2, sur Fadjet.net et en dab plus, peu importe ce que ça signifie. Pierre au micro, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous demandez où étais-je parti, que faisais-je, où étais-je, mais je ne sais pas, où suis-je maintenant, en tout cas je le sais, je suis dans Couleur Locale, on est au 47 rue Charles III, magnifique rue à Nancy, magnifique ville et on est bien. Il est samedi 13h ou peut-être dimanche midi, dans tous les cas, bon appétit, votre estomac est contenté, votre palais se régale, yum yum, c'est bon. En plus le week-end on mange souvent de belles choses et vous, vous le savez, si vous écoutez Couleur Locale, c'est parce que vous avez besoin d'être nourri en supplément, nourri d'une autre façon. Nous, on nourrit votre âme, votre cœur, votre esprit, vos énergies, votre corps astral, éthérique, cosmique. On part très très loin. En musique, cette rime n'était pas faite exprès, mais elle est là. Et Couleur Locale, c'est les artistes de la région, mais c'est aussi les artistes de la grande région, de la très grande région. Ils nous viennent de loin, ils nous viennent du cœur. Oh là là, mes intros sont tellement longues, mais je vais leur laisser la parole très rapidement, puisque nous sommes avec Wildation. Et ça aurait marché si ça avait été un gros groupe de métal. Mais c'est Wildation, une contraction entre wild, sauvage, et nation, la nation. C'est ça. C'est exactement. Ça. Ouais. Exactement. Rock alternatif teinté de folk, du dark folk. Guitare électrique, guitare 12 cordes, un voyage de connexion, de reconnexion à ses racines. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le dossier de presse. Moi, je sais lire, mes amis, et vous, le savez-vous. Nous sommes avec Vincent à la guitare et au chant. Salut Vincent. Salut Pierre. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, et toi ? Ben super bien, super. On est très heureux d'être ici. Et ben moi je suis heureux d'être là également avec vous. Guitare, chant, c'est toi qui as créé le projet ? Alors oui, j'ai créé le projet en fait en revenant de voyage. J'ai voyagé pendant 10 ans. 10 ans ? Mais t'étais où pendant 10 ans ? J'ai été en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Sri Lanka. J'ai fait un petit tour du monde quoi. Normal quoi. Ouais, voilà. Mulhouse. Mulhouse. Tout ça et du coup bah, j'ai pas mal composé, pas mal écrit et du coup quand je suis rentré j'en avais un petit peu marre d'être tout seul avec ma guitare donc j'ai créé Wildation quoi. Tu t'es entouré de gens, alors il y avait un ancien bassiste de ce que j'ai cru comprendre. C'est ça. Mais là on est avec le nouveau bassiste, nous sommes avec Paul. Oui, bonjour. Avec ses cheveux phénix. Bonjour Paul, très belle voix de radio basse Moog, donc synthétiseur. C'est ça ouais. Voilà, clavier et chœur. C'est ça, ouais. Avec un H, mais aussi sans H. C'est ça, on a fait un gros travail de chant ces derniers temps avec une chanteuse de langue qui s'appelle Mathilde Simoneau, qui est vraiment spécialisée en polyphonie vocale. Ah oui. Et du coup, on a bossé avec elle vraiment des harmonies à trois voix et ça fait une petite plus-value au morceau, quoi, clairement. Ah bah clairement, quand il y a plusieurs voix qui s'entremêlent, de belles voix masculines, ça donne une autre intensité. Et nous sommes également avec Martin, batterie cœur. Yes, et bonjour. Bonjour Martin. Et je le dis souvent, mais moi j'adore quand les batteurs, ils chantent un peu. Ouais, alors du coup c'est vraiment pas facile à faire, c'est un bel exercice. Mais c'est gratifiant quand on entend les trois voix et que ça sonne. C'est vraiment très intéressant, c'est cool. Ouais. Wildation, on est sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur SoundCloud, un peu dans toutes les bonnes crémières, Deezer, Spotify, pour écouter les premiers projets, du coup, puisqu'on a un premier EP qui est sorti en 2020 qui s'appelle First Seeds, première racine, ouais. C'est ça hein, la traduction, faut dire ouais. De tout traduire, mais bon. En 2021, on a changé de polarité, avec Polarity, c'était nul. Et le 8 mars 2024, donc il n'y a pas si longtemps, est sorti pour le coup ce nouvel EP qui s'intitule Beyond the Bridge. Donc, Beyond the Ridge. The Ridge, ouais. The Ridge. Ridge, ouais. Pourquoi j'ai marqué Bridge? Non, mais c'est faut que je dorme. Non, mais c'est pas grave. Du coup, je ne saurais même pas traduire Beyond the Ridge. Beyond the Ridge, ça veut dire au-delà des crêtes. En fait, c'est un petit peu notre destination dans ce nouvel EP. Okay. C'est qu'on a voulu rechercher une énergie un petit peu plus organique, un petit peu plus viscérale. Ouais. Donc derrière les crêtes, c'est vraiment notre destination, okay. On va dire. Ouais. Ouais, mais ça marchait aussi avec Bridge, hein, je suis désolé. Ça marchait aussi avec Bridge. Mais le côté crête avait un côté un petit peu plus voyage, qu'on voulait défendre. Un côté voyage, et je te l'ai dit Vincent, bah voilà, tu vois, ça commence les carabistouilles. Vincent, je te l'ai dit, quand on était devant les locaux de Fadjet, j'apprécie votre musique, puisque cette musique nous emporte loin, cette musique nous donne des breaks, il y a un côté un peu prog, je trouve, des fois, et je trouve que ça casse un peu la monotonie de ce style, le folk en général, Après, on aime ou on n'aime pas, mais... En fait, avec Wild Nation, on essaie vraiment de trouver cet équilibre entre le côté organique de la folk et ce côté un petit peu plus électrique du rock. Donc on essaie vraiment de trouver cette parfaite combinaison. On est toujours en train de chercher, mais... On se cherche souvent en musique, et notamment quand on compose, puisque du coup, il faut créer des choses, il faut les créer. Ouais. Si on a envie un jour, mes chers amis, d'aller plus loin, et vous commencez déjà à aller plus loin, puisque vous êtes sélectionné au Chien à Plumes le 3 août, ce qui est quand même pas rien, mais on peut aller encore plus loin. On peut se transcender et aller au-dessus des nuages. C'est ça. Si on travaille et si on persévère. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a... Oh, il y a un morceau de l'EP. Il y a un morceau de l'EP qui s'intitule Over the Clouds, même si je ne suis pas sûr que ma traduction soit littéralement... C'est ça. Au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages. Donc, de l'EP Beyond the Ridge, et non The Bridge, et on va travailler son accent anglais, mes chers amis. Over the Clouds, The Wild Nation. Je vais vous poser une question. Cette question, c'est de quoi parle la chanson ? Il y a deux écoles en général. Soit on me répond, les auditeurs, ils ont qu'à écouter. Alors, du coup, tu vois, moi, je rentre chez moi, je me mets en PLS dans mon lit, je suis là en mode, mais tu vois, Paul, pourquoi je me fais insulter ? Vous voyez, les gars, quoi. Enfin, voilà, et puis voilà. Ou alors, on me tease un peu, sachant qu'en plus, c'est en anglais, que tout le monde n'est pas à fond dans l'anglais. Exactement. Alors, de quoi ça parle ? Alors, Over the Cloud, c'est le message derrière ce morceau, c'est peu importe les obstacles qui se dressent devant nous, toujours aller de l'avant, au-delà des nuages. Voilà. Ouais. Donc, pour faire très simple, voici la traduction de la Over traduction. The Cloud et de ce dont on parle dans ce morceau. Eh bien, on va écouter ça. C'est Wild Nation, c'est Beyond the Ridge, le P qui est sorti le 8 mars. Ils sont avec moi sur Fadjet dans Couleur Locale, Over the Clouds. Can't stop all the fire around us. Living on the edge and no time to surrender. My head is in the middle of the ocean. Over the clouds, over the clouds. Can't control the rhythm of the thunder. We're dancing underneath with no need of a shelter. Looking up to the top of the mountain and over the clouds, over the clouds. If it's a night or day, my place don't mind, but I will go my way. I've no time for breakdown, drama, shit, and fake plans, you know. I'd rather strive and fall on my knees. That felt the try and living dreams. Mysteries above the mist. She's right behind our fears. We can't stop all the fire around us. Living on the edge and no time to surrender. My head is the middle of the ocean. And over the clouds, we can't control the rhythm of the thunder. We're dancing underneath with no need of a shelter. Top of the mountain and over the clouds, over the clouds. Beyond the Clouds, Beyond the Ridge. Quelle voix. Et ouais, merci. L'EP de Wildation sorti le 8 mars 2024 sur toutes les bonnes crémières. Deezer, Spotify. Mm-hmm. N'est-ce pas mon petit Vincent? Oui. C'est par toi, mon petit. C'est ça. YouTube aussi, YouTube. SoundCloud, Tidal, je crois que maintenant il y a comme plateforme. Ouais, Cobuzz, je crois. Ouais, partout. Enfin, maintenant il y en a. C'est quoi ce truc? C'est des nouvelles plateformes. C'est des nouvelles plateformes. Les anciens aussi, il faut les retrouver sur les mêmes plateformes. Exactement. Donc il y a tout quoi. Mmh. Polarity, tout, First Seeds, tout est dessus. Ouais, tout est dessus. Parfait, Wildation, on est avec Vincent, guitariste-chanteur, nous sommes avec Martin, batteur-cœuriste, ça se dit comme ça, et Paul, alias La Blonde, à la basse, au clavier et au cœur. Un power trio. On dit souvent que à deux c'est mieux et à trois c'est qu'est-ce qu'on dit non c'est à trois c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. Moi j'ai une fascination pour les power trio. J'aime bien les duos, mais à trois je sais pas. Il y a toujours une énergie. Mmh. Il y a des synergies qui se font plus. Il y a quelque chose en plus. Ouais. Et au-delà de trois, c'est là que ça commence à être la merde. Parce qu'après, il faut gérer plus de sensibilité. Exactement, ouais. Non, à trois, c'est parfait, franchement. À trois, c'est parfait. Ouais. Alors, à trois, c'est parfait, mais au corps, faut-il savoir accorder ses violons, ou plutôt, dans votre cas, ses guitares et ses basses. Quelles sont vos influences et est-ce qu'il y en a en commun? J'ai lu sur votre dossier de presse que certains d'entre vous sont des fans de jazz. Ouais, par exemple. Moi, j'adore le jazz, du coup. Tu adores le jazz. Après, le pas jazz. Que, j'adore aussi, ça peut être funk, c'est rock, varié. En fait, c'est ouais, beaucoup de musique au sens large, vraiment. Et Martin, si tu t'étais imaginé, tu vois, quand t'étais un petit bambino, avoir un groupe de musique qui joue au chien à plumes, est-ce que t'aurais imaginé faire ce que vous faites là? Difficile à imaginer quand t'écoutes la musique, je sais pas, très très jeune, c'est difficile de se projeter quand même jusqu'au chien à plume et au-delà, mais le style, oui, pourquoi pas. Le style de musique, tu te serais imaginé faire du dark folk rock alternatif avec tes amis? Pourquoi pas, ouais, parce que moi j'adore aussi le rock des années 70, beaucoup surtout, donc oui, c'est le rock, ouais, carrément. Carrément. Je pense qu'on a tous ça en commun, en fait. Ouais. Le côté rock, c'est la base, l'ADN. C'est la base. On vient tous, je pense, d'influences un petit peu différentes, mais on se retrouve sur cette partie rock, en fait. Oui, puis là où on se retrouve, c'est qu'on est juste tous les trois des amoureux de la musique. Oui, et on aussi. Peut vraiment écouter vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. On se retrouve. Ouais. Mais toi, t'es juste bassiste. Ouais, finalement. Il y a toujours, à chaque fois que je reçois des gens, il y a toujours quelqu'un qui s'en prend plein la gueule. Ok. C'est toujours celui qui est en face. Wildation sur Fadjet dans Couleur Locale, 94.1 Nancy et Fadjet.net. Si vous avez raté le début de l'émission, no panique, elle sera en replay pendant une semaine sur le site de Fadjet et également sur mon Spotify for Podcasters. Et oui, parce que c'est une chose qui existe et qui est gratuite. Et je suis pauvre. Mais nous sommes pauvres peut-être dans notre porte-monnaie, mais nous sommes riches en musique avec Wildation qui ont sorti leur EP Beyond the Ridge, je vais y arriver, hein, qui est sorti le 8 mars 2024 et qui va être, je crois, il y aura une release partie quand même, un truc officiel. Exactement, ouais, le 13 avril prochain, on fait notre release partie à la salle Jean Favre de Langres. Donc dans le 5-2. Dans le 5-2, ouais. En Haute-Marne. On sera avec des copains du coup locaux qui ont des groupes aussi, le groupe Ojon qui est un groupe de jazz fusion rock, et le groupe Laom qui est un groupe un petit peu Paul Folk, avec des beaucoup de polyphonie à la voix et tout ça, donc c'est très bons projets aussi avec nous. Carrément. Donc assez cohérent finalement avec ce que vous faites. Complètement, on a voulu un truc très cohérent. Des copains de le 52, c'est la Haute-Marne. C'est la Haute-Marne, ouais. Ouais. Alors, ouais, on est vraiment dans du couloir local très délocalisé, mais ça reste le Grand Est pour c'est moi. C'est on ça. Est tous des enfants de l'Est et des enfants de la musique. Conception, création, un power trio qui fait des compos, c'est aussi ça. Qui mène la barre? Qui a la plus grosse? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question-là. Ouais, non, on ne répondra pas à ta question, mais on va la contourner. Paul. En tout cas, moi, j'arrive depuis juin, donc là, je découvre un peu aussi l'univers et le processus de création. Mais en tout cas, je pense que on ramène chacun un petit peu des idées, on répète. Hein, ça peut être un riff, un bout de voix, quelque chose comme ça. Et on essaie vraiment de composer tous ensemble autour. Et du coup, on aime bien buffer, on répète vraiment. Et enregistrer et après réécouter derrière et dire ok, ce passage-là c'était cool. Ok, si on le met après celui-là, et on essaie de composer comme ça au maximum. Vraiment ensemble, quoi. En fait. Ouais. Parce que souvent, il y a toujours quelqu'un. Enfin, très souvent, je vois, il y a quelqu'un qui apporte vraiment une idée, une maquette, et puis ça brode autour. Mais il y a un peu un chef d'orchestre ou de compositeur à chaque fois. Et vous êtes plus dans une démarche où tout le monde apporte sa patte et où ça évolue en buffant. Exactement. Ouais. Paul. Je pense que c'est la force aussi du projet. C'est que c'est pas un seul individuel qui apporte ses créations, c'est qu'on essaye vraiment de créer quelque chose de commun qui nous ressemble à tous les trois. Donc je pense que c'est vraiment le. Mais c'est toi qui écris les textes, Vincent. Oui, j'écris les textes. Ouais. Tu as écrit ces textes pendant ton voyage, ça. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, non, ça dépend. C'était plusieurs parties de ma vie. J'en ai écrit par exemple au Canada, j'en ai écrit quand j'habitais dans les Alpes, j'en ai écrit. Une bonne foire au texte. Oui. Ça dépend, il faut un environnement moi, pour écrire et à chaque fois il y a quelque chose qui sort, un thème et voilà. Donc, c'est, ouais. Et Martin, lui, il fait boum, tchac, boum. Ouais, c'est ça, batterie. Ouais, batterie quoi. Ouais, je switch un peu, hein, faut pas embêter. Non, mais je plaisante, c'est super important une bonne batterie quand même. Sans rythme. Ouais, il n'y a pas après, de vie. Il y a des samples aussi qu'on envoie en plus. Ouais. Ouais. Que je gère aussi en live. Mais Comment il se la pète. Du coup, j'aurais dû mettre batterie, cœur et gestionnaire expert. Ça fait, le quatrième membre du groupe. Quoi. quatrième membre du groupe. Après, Martin aussi a géré énormément le premier album. Il a fait les mix du premier album. Donc, il a eu un gros travail là-dessus aussi en termes d'ingé son. Ouais. Ouais. Parce qu'on a fait de l'autoproduction pour le premier album et mixage, enregistrement. Pour le premier album. Ouais. Et il a géré toute la partie aussi, un enregistrement du deuxième EP aussi. Du deuxième, pas le mixage par contre. Vous avez fait appel à un mixeur professionnel, David Husser. Ouais. Que de beaux noms à citer, on en citera d'autres, on citera des dates aussi. Nous sommes avec Waldation, j'espère que je le prononce bien. Waldation, rock, alternatif, folk, dark, folk, on est avec Vincent, Martin et Paul. On aime la musique parce que moi j'ai tendance à penser que si un jour le monde s'arrête, s'il ne reste rien, eh bien il restera quand même la musique. Alors on va écouter Nothing Glass. Yes. Belle transition. Merci. De Beyond the Ridge, pareil, de quoi ça parle? Si tu veux continuer, Vincent, comme c'est toi qui écris les textes. Nothing Glass, ça parle de l'impermanence de l'existence, en fait. voilà. En gros, rien ne dure. Si on veut la traduction littérale de Nothing Glass, c'est rien ne dure. L'impermanence de l'existence. On aurait dit une réplique de vieux film. Ouais, c'est ça, mais ça a été travaillé, marqué sur le papier, et puis je le ressors là. Je me sens intelligent de dire l'impermanence de l'existence. C'est un parfait, truc que je sors pas normalement. C'est parfait. Bingo. Donc voilà, en fait, c'est un message important, je pense, qu'il faut garder en tête. C'est que demain, tout peut s'arrêter. Et en fait, il faut faire ce qu'on aime dans la vie, en gros. Eh bien, on va faire ce qu'on aime, on va écouter ce qu'on aime avec vous. Nothing Glass de Waldation, issu de l'EP Beyond the Ridge. Ridge. Vous êtes sur Fadjet dans Couleur Locale à Nancy, vous y êtes bien, restez-y. We'll be right back. best comes along. Wind blows the embers, spread it around. New seeds and ground for how long? Butterfly vision, only one destination. Nothing Last de Waldation, issu de leur EP Beyond the Ridge. Ridge. Pff, n'importe quoi. Qui est sorti le 8 mars sur toutes les bonnes plateformes. Alors, like, abonne-toi. Ils sont sur YouTube, sur Instagram, sur SoundCloud, sur Deezer, sur Spotify, sur Tinder, Grindr. Non. Grindr, non. Non, Tinder non plus d'ailleurs. D'accord, ok. Vous écoutez Couleur Locale, Pierre au micro. Si vous avez raté le début de l'émission, no panique. Elle sera disponible dès dimanche 18h sur Spotify for Podcaster. Si je n'oublie pas de la mettre en ligne, et ça vous le savez, très souvent j'oublie. Alors comptons plutôt sur lundi. Est-ce que ça va toujours les gars? Vincent, ouais, super. Super. Paul, impeccable. Sa chevelure. Ça va bien, ouais. Martin, yes. Et ses dents. En forme. Tu vois mes dents derrière le micro? Quand tu souris, tu as un grand sourire. Yes. Et quand tu souris, je vois quelques connotes apparaître. Mais c'est important, un beau sourire sur scène, c'est important. En tout cas, c'est ce qu'un booker m'avait dit à moi et à mon groupe, qu'un beau sourire sur scène, c'est important. Et vous, il va falloir sourire, puisque de la scène... Oh là là, on là va là. En faire. Et vous allez en faire un peu partout. Vous étiez d'ailleurs pas très loin, il n'y a pas très longtemps. En janvier, vous étiez à la Fabrique des Gros. C'est ça, ouais. À Maxéville. À Maxéville. Vous reviendrez dans le coin, mais pas tant que ça finalement. On a le 9 juin à Cattenom, aux Estivales de Cattenom. C'est ça. Et puis il y a une grosse première partie aussi qui est tombée il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut le 21 mars, on sera à la cartonnerie de Reims pour la première partie de Caravan Palace. Et quand même. Une grosse surprise, et ouais, super cool. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis plein d'autres dates, est-ce qu'on peut les voir sur votre site? Sur Facebook. On communique assez bien sur Facebook, Instagram. Donc ça communique bien. Ouais, voilà. Dans pas longtemps, on va avoir un gros plan de tour et voilà. Un gros. Avec toutes les dates importantes et pas toutes les dates en gros, hein, parce que toutes les dates sont importantes. Ouais. Et il va falloir suivre tout ça, évidemment, parce que si on suit pas tout ça, on est nul. Moi, je plaisante. Faites ce que vous voulez, chers auditeurs. Mais dans l'idéal. Et ce serait bon de suivre parce qu'il y a quand même déjà des projets qui sont en ligne. On le rappelle, le premier EP First Seeds, le premier album Polarity, avec l'accent bien franchouillard, et l'EP Beyond the Ridge qui sont déjà encore en écoute. Et puis vous l'écoutez parce qu'il y a Paul, qui est le nouveau bassiste et qui est dessus. Mmh. Donc les trucs d'avant. Non, je plaisante, quel enfoiré. C'est un projet, il ne faut pas. C'est une belle évolution en fait de commencer depuis le début et de voir un petit peu l'évolution, de la direction là. Dans entre laquelle... premier EP et l'album qu'il y a maintenant. Je me suis perdu dans mes pérégrinations intellectuelles de mes questionnements. Justement, oui, je voulais parler questionnement, mais je voulais parler remerciement aussi, puisque vous êtes là grâce à Bérénice, qu'on embrasse. C'est ça. Oui. Merci Bérénice. Chaque fois qu'elle nous fait des groupes, qu'elle me file des groupes et que j'arrive à les avoir, est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on peut embrasser pour ce projet-là? Eh ben, toutes les personnes qui nous soutiennent depuis le début de Wildation, toutes les personnes qui ont contribué financièrement à notre campagne de financement participatif pour la création de Beyond the Ridge. Parce qu'il faut savoir que ça implique énormément de coûts et que sans ça, ben, on n'aurait peut-être pas pu sortir ce projet. Est-ce qu'il y aura d'autres projets? Bien sûr. Oui, on a fait l'EP, donc maintenant on est en train de penser à l'album. Bah oui. Au deuxième album. On est déjà les nouvelles compos. Ouais. Voilà, on est déjà sur les nouvelles compos. Ouais. Toujours avec cet esprit de bœuf, de chacun participe. C'est ça. Ouais. C'est beau ça. On ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas diminuer, et on ne rampe pas. C'est ça. Exactement. Et du coup, on va écouter Lay Down pour terminer cette émission. Déjà, je vous remercie. Un grand merci, Vincent, Martin et Paul, d'avoir participé à Couleur Locale et d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Pierre. Merci à toi, Pierre. Ouais. Et du coup, on va écouter Lay Down de Beyond the Ridge. Bah, du coup, de quoi ça parle? Alors, Lay Down, c'est simplement une introspection en fait. C'est la vie n'est pas un conte de fées. Donc, vas-y, fly high, ça veut dire vol haut. Et n'aie pas peur. Au-dessus des nuages. En gros, il y a peut-être une petite connexion. Peut-être une petite connexion. Ouais, voilà. Au final, ce Beyond the Ridge, c'est un petit peu, comme je disais au début, c'est notre destination. Eh bien, on y va. Merci à vous, c'était Wildation. On les retrouve sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Je vais pas faire d'autres blagues, Tinder, machin, etc. Sur SoundCloud. On vous suit, dark, folk, rock, alternatif. Les étiquettes, tout le monde ne les aime pas, mais parfois c'est bien de définir la musique. On était avec Vincent. Wouh, tonnerre d'applaudissements. Avec Paul. Bouh, non, je rigole. À la basse, au clavier, Vincent, guitare, chant, je plaisante vraiment pas. Non, mais je l'ai pas pris mal. Ne me frappe pas. T'inquiète. Martin, batterie, cœur, power trio. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Yes. Et du côté de chez nous, très loin, c'est le 21 mars à Reims. Si vous aimez Caravan Palace, en plus, ben, c'est l'occasion aussi d'y aller. Et puis, Ad Catnum le 9 juin et toutes les dates qui seront annoncées. Exactement. Est-ce qu'on est bon? N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous aide énormément. Ouais. Ouais. En tant qu'artiste indépendant, c'est vraiment important pour nous. Ouais, voilà. Et bien, on suivra et maintenant, on va lay down un petit peu. On vous souhaite un bon week-end introspectif, chers auditeurs, et à bientôt dans Couleur Locale. Lay down and let it grow. Fly high. You're not no fool.